Ouais, David Scott. Altruiste propre. On est Al, on représente la famille, malgré la famine. Cette pyramide que je compte que sur quelques amis. David Scott, altruiste proche, j'ai des textes qu'on casse l'air. On vient pas casser l'arme, juste collaborer pour que tout s'accélère. La famille, un concert, on grave dans nos attitudes. Va dire à nos ennemis qu'on sait qu'ils savent qu'on a les aptitudes. Va leur dire qu'on se regroupe au mieux pour mettre le pot au poudre. Et qu'on crape à leur faute puisque seul Dieu est dans la foudre. Va leur dire qu'on cédera pas par peur des représailles. Que nos refrains s'entraident pas à pas et prennent nos repères dans leurs failles. David Scott, altruiste proche, car l'union fait la force. T'inquiète ta famille, nous renforce, c'est la famille. Ouais, ça va ou quoi? Je parle de scène, Marossa, on pense aux pages, Kenny Arcana, Instinct Lyrical, Soraya, Mister You. Et j'en oublie beaucoup, mais t'inquiète, tous seront à nos rendez-vous.